BES, vous savez pourquoi on est là nous hein. On veut du cash, l'argent, du flou, du racisme, du mougou. Tu dis comme tu veux, mais on se comprend. Hein, on est prêt à tout nous. À l'époque, c'était 3-4 sur un bout de bitume, un bout de gras, un ballon. Et c'est la vie qui se déroule. PES du cartel, c'est le RAP que je dérouille. J'attends tranquille pour faire un truc bien commercial. Je suis en indé et je vois que le commerce chiale. C'est action radicale pour faire des trucs sales. Les riverains sont excédés, ça sent le pétard partout. Prendre de l'argent sale, Narvalo se fait partout. Trop de gars jouent les chauds, trop de gars jouent les gros. Arrêtez, vous faites partie des lots en trop. C'est vrai que je fume trop quand je suis accompagné de ma gonce. Mais je te parle pas, ma gueule accompagnée de mon 11. Je respecte depuis tant d'années une certaine ligne de conduite. Celle du quoi qu'il arrive, je reste le même gentleman. Je suis jaloux de personne, je suis dans l'ombre de personne. Si je tombe demain pour me relever, je demanderai à personne. Je vais sous peser, avoir la vie belle. Car j'ai déjà plus rien une fois touché ma paye. Moi je veux qu'on me dise BES. Ouais, pour un feed gros, combien je te paye. Moi je veux des sous peser, avoir la vie belle. Car j'ai déjà plus rien une fois touché ma paye. Moi je veux qu'on me dise BES. Ouais, pour un feed gros, combien je te paye. C'est BES, hein, je rappe pour le plaise. Que cela plaise ou pas, ma gueule au mic, je me trouve à l'aise. Un bon verre de Belaise au MIC, après je me trouve balèze. Et je fais monter mon son en me mettant à l'aise. Je compte sur ma mif et certains potes gros. Le classique black dans le verre fait bouger mon stylo. Ce bout qui bulle dans le tabac fait créer mon chiro. La mort peut nous guetter, sorti d'une ruelle 9420, au loin, mon fief toujours fidèle. Y'a trop de pétasses au gros tarpé pour rester fidèle. Trop de tentations autour de nous pour rester tranquille. Faut que le bif tombe, pour ça certains dispatchent des kills. Toujours la classe au MIC pour venir kill. On aime les sous, les tasses, les bons délires. Hey, les schmitts derrière les rideaux guettent gros. Pour casser le délire, un poteau au ballon. T'inquiète, je prendrai le temps d'écrire mon amitié avec certains. Je peux pas te la décrire, raconte blindé. Même dans le son, pour ça faut suer. Moi je veux des sous peser, avoir la vie belle. Car j'ai déjà plus rien une fois touché ma paye. Moi je veux qu'on me dise BES. Ouais, pour un feed gros, combien je te paye. Moi je veux des sous peser, avoir la vie belle. Car j'ai déjà plus rien une fois touché ma paye. Moi je veux qu'on me dise BES. Ouais, pour un feed gros, combien je te paye. Ah ouais, c'est la crise hein. On va tout faire pour avoir nos thunes. On va braquer, on va bicrave, on va escroquer. On va même serrer des vieilles, on va vider leur compte en banque. Merde, 9-4 VDF, faut que ça paye, Inch'Allah.